elle seule était déjà venue là, toute cette eau à vos pieds s'inclinait devant l'amour. Même la mer se mouche, se ravise et vous laisse vous trouver. Tu es à moi pour toujours, je sais, mais que vaut toujours, mais que vaut toujours, est-ce une seconde qui se prolonge et vous inonde, ou est-ce un jour liant les autres un peu plus lourd, un peu plus nôtre. Vous avez eu par le soir venu, vous avez pris un train de retour. On vous a pris, vous vous en doutiez, ça viendrait. Elle a dû s'en aller plus tard avec ses parents ailleurs, chez elle soi-disant. C'était un jour à décrocher des trains, vous y repensez tous les jours. Un petit quiz rapide, pas compliqué, très simple. Si vous m'avez écouté depuis le début, ma question est la suivante. Il n'y a pas de prix, malheureusement. Appelez-moi pas, il n'y a pas de prix. Non, mais je peux vous dire pourquoi il n'y a pas de prix. Mais c'est parce que j'ai rien à tirer. Bon, certaines me demanderont pourquoi tu ne te tires pas toi-même, mais ce ne sera pas un cadeau. Ça, c'est pas, je ne suis pas un cadeau, moi. Ah, mon Dieu, je suis un prix de consolation, pas encore là. Quand tu es prêt avec moi, là, oh, c'est de l'incertitude. Moi, je suis le genre, là... On va le dire. Je suis le genre à appeler constamment ces boîtes vocales. Qu'est-ce que tu fais? T'ennuies-tu de moi? Je te rappelle. Je t'aime, hein? C'était Renal. Je dis tout le temps Renal, on sait jamais. Je me suis dit, si mes blondes ont plusieurs concubins, elle me retracera pas. C'est qui? Qui est? Fait que moi, j'aime bien m'annoncer un peu, Renal. Et puis, ben, je vais vous dire, c'est toujours David Gilmour. Vous me croyez pas? J'ai une bonne... Monsieur l'agent, j'ai une preuve. Une belle preuve. Une preuve d'amour. Une preuve qui me fait dire que David Gilmour a sorti il y a quelques années un album exceptionnel qui s'appelle Rattle That Lock. Avec la langue tirée, là. That'll. We'll be right back.

une simple histoire comme la nôtre. Et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petite, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Ça peut être vraiment des... une phrase qui me vient comme ça. Sans raison. Venise n'est pas en Italie, une des chansons que j'ai écrites pour être Jenny. J'étais dans un taxi, j'allais dîner chez des amis. Et puis, comme l'ami était compositeur, je me suis dit, oh là, je pense qu'il va me montrer une musique. Bon, je pensais que l'invitation à dîner n'était pas totalement désintéressée. Alors, je me dis, bah tiens, s'il montre une musique, ça va s'appeler Venise n'est pas en Italie. Et je ne sais absolument pas pourquoi. C'est inexplicable. Je n'ai pas vu dans la rue une affiche sur Venise, rien du tout. C'est sorti comme ça. C'est venu comme spontanément. Ça. Spontanément. Et puis j'arrive là-bas, et il me sert un petit apéro. À l'époque, je buvais encore, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, il me dit, ah bah tiens, j'ai une musique à te montrer. Ah, quelle surprise. Lui dis-je, bon, et il me joue sa musique, et le refrain faisait, padabada, padabada, padabada, padabada, padabada, Venise n'est pas en Italie. Voilà, bon, ça collait avec ma phrase. Et j'ai écrit la chanson ce soir-là, quoi, bon, avant le dîner. Et après, on est allé la montrer à Reggiani. Je ne sais pas pourquoi. Aucune idée. Mais c'est de la magie, souvent. Oh, c'est surtout beaucoup de travail. Ouais. Si c'était de la magie. Ouais. D'abord, ça ne serait pas drôle. Parce que, bon, donner un coup de baguette magique, et puis, non, ce serait pas drôle. Non, mais je veux dire, la phrase qui se colle à la musique. Et... Ben, ça, c'est beaucoup de travail, souvent, aussi. Mais si ça arrivait comme ça, tout seul, ça ne serait pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Hein. C'est de chercher, c'est de trouver le mot qui convient, la phrase, ce qui convient à l'ambiance de la musique, ce qui convient aux notes, à l'accent tonique, enfin bon, toutes ces choses-là, quoi. De cerner le problème petit à petit et petit à petit de construire quelque chose qui à l'arrivée va paraître aux gens qui vont l'entendre tout à fait naturel et presque facile. Au fond, les gens, quand ils entendent une chanson, faut pas qu'ils sentent le travail. Sinon c'est mauvais. Dans le temps, au XVIIe siècle, quand il y avait un mauvais poème, les gens disaient, oh là, ça sent la lampe. Parce que les gens écrivaient la nuit, alors devant, il n'y avait pas d'électricité, c'était des lampes à huile qui sentaient fort. Alors on disait, ça sent la lampe, c'est bon. Le pauvre malheureux, il a trimé toute la nuit dans sa lampe. Il ne faut pas que ça sente la lampe, ce qu'on écrit. Il faut que les gens aient l'impression que c'est venu tout seul. Quoi. Bon, et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi. C'est énormément de travail. Oui. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais il faut surtout que... Enfin, c'est comme si un architecte était content parce que devant la maison qu'il a construite, il y a encore l'échafaudage. Faut pas que l'échafaudage se voit. Bon, c'est tout, quoi. Tu estimes combien de chansons que tu as écrites? J'estime à peu près à 4000, là, aujourd'hui, parce que